Jésus, qui est célibataire sans enfant, qui demande à des disciples masculins de le suivre en laissant derrière leurs femmes, leurs enfants et leur gagne-pain. Donc déjà, ça brise tous les concepts de belle famille évangélique qu'on a. Parce que je pense que le modèle familial qu'on note, qu'on véhicule, c'est la mère des années 50 avec son tablier qui fait des biscuits, qui a quatre enfants très propres et très polis. T'sais. Mais ça n'existe pas, ça. Moi, j'en connais pas les mères de même. En tout cas, c'est pas moi. En fait, Jésus dit qui est ma mère, qui sont mes frères, ce sont ceux qui font ma volonté. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime ses enfants plus que moi n'est pas digne de moi. Ça aussi, ça casse l'image qu'on se fait des valeurs familiales. Par contre, la Bible met l'emphase, tant Jésus que Paul, sur le fait qu'on doit assister ses vieux parents ou ses parents destitués, qu'on doit faire vivre sa famille avant de penser à faire vivre l'étranger. Quoique, il faut aussi faire vivre la veuve et l'orphelin. La veuve et l'orphelin, maintenant, ben, c'est la mère monoparentale, puis ses enfants. Notre société en est pleine, donc on a beaucoup de pain sur la planche. Les femmes, là, je vais vous parler d'expérience. Avant d'avoir des enfants, je me suis mariée à 28 ans, j'ai eu Marguerite à 29 ans. Donc, avant d'avoir des enfants, j'étais beaucoup plus libre et plus disponible et plus active et impliquée partout, à l'église, puis socialement. J'étais de toutes les conférences et les concerts. Et je faisais du bénévolat. J'étais partout. Et j'aimais beaucoup les enfants des autres. Il y a beaucoup de familles aussi qui ont bénéficié de ça, mon instinct maternel, qui a fait que j'ai voulu materner les enfants des autres. Depuis que j'ai mes propres enfants, bien, ça, les autres me tapent les nerfs. Fait que, regardez, c'était le fun que j'en avais pas. C'est moins drôle à ce temps, tu sais. Je pense pas que la maternité, plus que le mariage, soit des appels divins. Je pense que c'est plus des appels de la nature pour perpétuer l'espèce. Quand Dieu dit à Adam et Ève, multipliez-vous, bien. Il nous crée pour ça aussi, se multiplier. Par contre, quand Dieu a donné cet ordre-là, la terre était vide. Maintenant, il y a 7 milliards d'habitants. Fait que je pense qu'on peut se laquer un peu. J'ai lu un livre, je ne sais pas si vous connaissez Biz de Loco Locas. Il a écrit un livre cette année sur son blues postpartum, si on veut. Ça s'applique aux hommes, ça s'appelle Dérive. Puis, il dit quelque chose de beau. Il dit, quand on donne la vie, on la perd aussi. Il dit, la vie qu'on a donnée, c'est de nous-mêmes qu'on perd. Puis, c'est comme quand Jésus, il dit, si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruits. Et c'est très bien dit, ce qu'on donne à nos enfants, on le perd de nous-mêmes. La grossesse, là, c'est poche. C'est comme avoir un alien en dedans de soi qui te suce tout ton jus, qui te laisse plus dormir, puis que tu sais que tu vas en être responsable pour les 18 prochaines années. 18 et plus. Légalement responsable. Oui, je sais. Ça. Ouais. Ensuite. 29 hein? 29 et je continue de compter. Parce que l'adolescence se poursuit longtemps, longtemps dans nos sociétés. L'accouchement, dans la douleur, c'est la malédiction. C'est pas cute! C'est pas cute d'accoucher dans la douleur et de vouloir souffrir. En tout cas, moi, je dis que c'est pas cute. Augustin, ils m'ont fait une césarienne. Merci, Seigneur! Avoir des enfants, c'est pas plus généreux et altruiste que le fait de ne pas en avoir est égoïste. Il n'y a pas de rapport. On a des enfants parce qu'on en veut. C'est pas plus généreux d'en avoir que de ne pas en avoir. Fait que souvent, on entend « Oh, ce couple-là, ils n'ont pas d'enfants, ils pensent juste à eux autres. Cette femme-là, elle n'a pas d'enfants. Oh. » Non, non, ils sont vraiment plus libres de donner leur temps et leur énergie à l'extérieur d'eux-mêmes. Suite. Bien, donc, j'encourage les mères et les non-mères à remercier Dieu pour ce qu'elles ont respectivement et à servir autrui. Pas seulement les gens de sa famille, mais les gens de l'extérieur, parce que Jésus dit, c'est naturel d'aimer ceux qui nous aiment, les païens font pareil. Il faut étendre l'amour qu'on a pour nos enfants à autrui, même si les enfants des autres nous tapent les nerfs. Alors, c'est ce que j'avais à dire. OK. Là, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui? Ah, cool. Oh boy! Faut pas que je vous regarde, vraiment. Je suis habituée de parler à des petits-enfants. On va aller s'asseoir après. Oui, c'est ça, tout le monde est petit-enfant. Moi, quand j'ai su que j'allais être mère, là, j'étais tellement heureuse. Mais tellement, là, c'était la plus belle chose qui pouvait nous arriver à mon conjoint et moi à l'époque. Malgré les nausées, les vomissements tout le long de la grossesse, j'étais bien, j'avais hâte de voir ce petit garçon qui grandissait en moi. Je n'ai pas senti que j'avais un alien. Moi, j'étais vraiment en symbiose avec ma grossesse, malgré les inconvénients que les hormones peuvent apporter. Mais dans ma tête à moi, on devenait mère en accouchant. Fait que pour moi, là, j'allais tout savoir ce que j'avais à faire avec mon bébé quand il allait m'apparaître dans les bras. T'sais. Et j'ai réalisé assez vite que ce n'était pas le cas. Et ça m'a vraiment rentré dedans quand j'ai vu que la façon naturelle de nourrir un enfant ne venait pas naturellement. Je me suis sentie rejetée par mon fils, mais vraiment, ça a été très difficile. Ça m'a pris un gros 3 mois à être capable de dire que j'aimais et de sentir que j'aimais mon enfant. Et je me suis sentie anormale. Mais j'ai réalisé que c'était quand même un être étranger qui me privait de ma liberté, chose que je n'avais pas encore acceptée, ça, que je serais plus libre de faire ce que je voulais. C'était des contraintes financières, parce que quand tu ne peux pas allaiter, il faut que tu achètes de la formule, tu achètes des couches, tu achètes une perte d'emploi d'un bar, là, tu ne peux plus. T'sais. Ça a été gros. En plus, on rajoute les événements du 11 septembre dans tout ça. J'étais candidate pour la dépression postpartum, là, parfaite. Je m'en suis sortie, heureusement. J'ai découvert que je pouvais m'attacher à cet enfant, que j'avais tout le temps voulu pour m'y attacher. Puis j'ai fait avec le recul, j'étais non-chrétienne à cette époque-là. Quand je me suis convertie et avec les années, j'ai réalisé qu'on fait un peu ça avec Dieu aussi. On a tendance, avant d'être chrétien, de rejeter toutes ces approches. Puis j'imagine que Dieu doit se sentir rejeté comme moi, je me suis sentie rejetée par mon propre fils. Lui doit se sentir rejeté à chaque fois qu'on lui tourne le dos. Puis quand tu fais ce lien-là, tu fais comme « Ah, mon Dieu qui en endure, pauvre lui, c'est comme, c'est pas facile ». Puis tu te dis, bien, je ne veux pas faire ça, moi. Je ne veux pas lui faire de la peine à Dieu comme moi, on m'a fait de la peine. Excusez, j'ai pris des notes, mais je ne suis pas… Mais c'est ça, quand tu as un enfant, tu as l'impression de rentrer dans une genre de secte de la maternité. Le CLSC te dit, qu'est-ce que tu dois faire? Tout le monde autour de toi a des conseils, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Puis c'est un peu ça qui arrive quand on rentre dans certaines églises évangéliques. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Il y a de quoi virer fou. Dans le fond, l'important, c'est de bâtir ta relation avec ton enfant et de bâtir ta relation avec Dieu. C'est un processus. Comme on a déjà dit ici, c'est quelque chose qui se fait. On a une date de naissance, mais on n'a pas un chemin de l'apprentissage. C'est un chemin, on n'a pas de date pour savoir quand est-ce que telle et telle étape se sont faites, à quel point, je ne peux pas dire la date précise où je me suis sentie attachée à Raphaël, puis je ne peux pas dire la date précise à laquelle je me suis sentie attachée à Marc-Antoine. Ça a été un processus, on a appris à se connaître. Je peux dire aujourd'hui que je suis très attachée à mes deux garçons et que je suis très attachée à Dieu aussi. Pardon? Je leur suis particulièrement attachée, au même titre que Dieu est particulièrement attaché à ses enfants. Quand j'ai réalisé que Dieu, on pouvait l'appeler papa, mais qu'on pouvait aussi l'appeler maman quelque part, parce qu'il est autant, paternel que maternel, j'ai compris beaucoup plus en ayant des enfants ce que ça signifiait. Parce que ce que moi je laisse faire à mes enfants, ce qu'ils vont faire, qui vont me déranger, qui vont me faire de la peine, je continue à les aimer. Puis quand tu réalises ça, tu te dis, waouh, lui aussi, il continue à m'aimer. Puis ça, c'est magnifique, c'est édifiant de se dire, tu sais, oui, j'ai des défauts, mais on m'aime quand même. Puis mes enfants, ils ont des défauts et je les aime quand même. Quand tu t'identifies, quand tu identifies ta relation mère-enfant à ta relation père-fille, c'est beaucoup plus facile de continuer à les aimer constamment malgré leurs défauts parce qu'on a un exemple qui est vraiment parfait. Mais le plus parfait, puis le but, c'est de devenir aussi parfaite que lui. Voilà, merci.